Les Dépravés, chapitre 17. À ce point de l'histoire que nous racontons, l'Empire entrait dans cette période de sécurité factice et d'otium sine dignitate, qui s'est appelé depuis le calme effrayant. Nos troupes revenaient petit à petit du Mexique, où un prince allait rester. Le palais d'été de l'empereur de la Chine avait été dévalisé avec effraction et escalade, mais sans trop d'esclandre. Les impôts rentraient, les bestiaux se vendaient, mais de cette paix du sépulcre n'était sorti ni un écrivain, ni un peintre, ni un penseur. Tous ceux dont la dictature impériale avait tenté d'accaparer le talent l'avaient laissé dans les fourrés de Compiègne. Ce gouvernement d'aventuriers, qui ne sera dans l'histoire autre chose qu'une aventure, n'avait inspiré qu'un chef-d'œuvre, lequel lui avait porté malheur. Il s'appelait Les Châtiments. À cette époque, un négociant qui, 20 fois par an, ne risquait pas la faillite, était considéré comme un incapable. Une femme qui devait moins de 60 000 francs à son tailleur passait pour une pauvresse. Un magistrat qui hésitait à recevoir de la préfecture de police ses arrêts tout libellés était un factieux. Acheter du charbon de terre, le porter dans un trou creusé avec préméditation et publier ensuite qu'on venait de découvrir une mine de rouille s'appelait être dans ses affaires. À ce moment de notre récit, la France, traînée en esclavage comme une femme capturée par des corsaires barbaresques et vendue à la Côte d'Afrique, commençait à soupeser ses chaînes et à secouer silencieusement ses membres ankylosés. Ce n'était pas encore la lutte déclarée. C'était l'opposition, anonyme et insaisissable. Un courant de goguenardistes sillonnait la France politique. Au théâtre, la moindre phrase à double entente faisait éclater la salle. L'école de médecine sifflait les professeurs dont la présence avait été remarquée au dernier bal des Tuileries. On regardait narquoisement monter la dette publique de 500 millions par an. On riait aux enterrements des dignitaires qui touchaient 400 000 francs de traitement sur les fonds avoués, flanqués de 400 000 autres francs sur les fonds secrets, et que les feuilles officieuses félicitaient d'être morts pauvres. Les classes dirigeantes, dont la spécialité est d'ignorer l'art de se diriger, ne pouvaient méconnaître ces symptômes de désagrégation. Mais quand il fallut les constater publiquement, au lieu d'avouer qu'il y avait désaffection, le gouvernement crut faire œuvre de génie en déclarant qu'il y avait un complot. Le mot, une fois lâché, on ne pouvait se dispenser de le justifier. Toute la police du 2 décembre reçut l'ordre de dénicher à tout prix des conspirations et d'arrêter les conspirateurs. Ceux qu'on ne trouva pas, on les inventa. Et ceux qu'on n'inventa pas, on les appointa. La plupart des sociétés ouvrières furent transformées en sociétés secrètes et les découvertes en bombes Orsini et en fulminas de toutes sortes prirent des proportions magistrales. Mais ce trafic de complots imaginaires offre plusieurs dangers, dont le moindre est que les policiers, occupés à forger et à enchevêtrer des intrigues, s'y embrouillent de telle sorte qu'ils finiraient par passer, sans y croire, à côté d'une conjuration véritable. Tous les oisifs de la préfecture et les anciens adhérents de la société du 10 décembre, que le calme effrayant laissait en disponibilité, furent réquisitionnés pour les rôles divers qu'ils avaient à jouer dans les attentats qui se préparaient. Les uns devaient cacher chez eux les engins explosibles, les autres devaient les y découvrir et en envoyer le dessin aux journaux. D'autres avaient mission de s'y tenir devant la justice dans un mutisme absolu. Quelques-uns étaient embauchés pour la scène des aveux au juge d'instruction. Plusieurs représentaient les agents de Mazzini et, poussés par les titillations du remords, avaient hors de venir déclarer qu'ils avaient reçu du célèbre agitateur chacun 50 000 francs et un poignard pour tuer Napoléon III. À l'audience, on produirait le poignard, mais on ne montrerait pas les 50 000 francs. Esther était restée en relation d'affaires concernant le salut de l'État avec un sieur Piétremont qui se disait ancien déporté de 52 et passé pour avoir beaucoup souffert. Ces souffrances n'étaient cependant pas telles qu'il ne se trouva mêlé à presque toutes les manifestations, invité à presque tous les banquets commémoratifs et introduit dans presque toutes les réunions clandestines où se traitaient des questions orageuses. Les différents projets de grève qui s'agitaient dans le monde du travail donnaient lieu notamment à des conciliabules, d'où la politique n'était pas toujours rigoureusement exclue. Le pseudo-déporté Piétremont avait assisté, 8 jours auparavant, à une séance du syndicat de la grève des fondeurs en fer, alors en cours de discussion, et y avait noté avec soin ces paroles impudentes prononcées par un ennemi du capital. C'est par le gibier que les rois commencent et par le peuple qu'ils finissent. Et bien qu'à son tour le peuple commence par la grève et il finira par la révolution. C'était plus qu'il en fallait pour faire marquer d'une croix rouge la porte de la maison où les grévistes se rassemblaient tous les samedis. Cette maison était précisément située rue Saint-Maur-Popincourt, à l'extrémité nord du faubourg du Temple, c'est-à-dire dans l'un des quartiers particulièrement signalés. Sous le Premier Empire, la rue Saint-Marceau avait le privilège d'inquiéter le vainqueur de Marengo. Sous Louis-Philippe, c'était le faubourg Saint-Antoine, qui faisait trembler dans les mains du roi le parapluie légendaire. Sous le Second Empire, les hommes d'ordre exprimaient le désir que Belleville n'eût qu'une seule tête, afin d'avoir la faculté de la trancher d'un seul coup. Le pouvoir cherchait des complots. L'agent Piétremont avait vu dans la phrase citée plus haut un excellent poupard à nourrir. Pour revêtir aux yeux de l'autorité le syndicat des fondeurs grévistes toutes les apparences de la société secrète, il ne manquait plus à l'intelligent limier que la présence constatée de l'indispensable envoyé de Mazzini, sans lequel l'attentat n'avait aucune chance de réussir dans le monde, même officiel. Piétremont, qui a 20 ans de là, avait été reçu sous le nom du vicomte de Brady dans les salons légitimistes d'Esther, s'était ouvert de cette situation à sa vieille camarade. Ah, j'aurais été bien heureux d'enlever cette affaire-là avant ma pension de retraite, avait-il dit. C'est sur ce Piétremont qu'Esther jeta instantanément son dévolu pour empêcher le dangereux choc d'une rencontre entre Max et Geneviève. Il fallait travailler à rendre irrémissible leur séparation qui pouvait n'être que momentanée. Elle s'était engagée vis-à-vis du docteur et surtout vis-à-vis d'elle-même. Une fille honnête était sur le point d'épouser celui qu'elle aimait. Esther eût manqué à tous ses devoirs de dévergonder en ne brisant pas ce mariage. Max pouvait d'un instant à l'autre tomber en pleurant au pied d'un calomnier. La dernière perle du collier, la dernière vertu de l'idole, Piétremont se chargerait de l'enlever en un tour de main. Voilà pourquoi Esther avait souri quand Geneviève avait pris la plume pour écrire sous sa dictée. Or, Esther avait vendu assez longtemps ses sourires pour en connaître le prix. Quand elle en laissait tomber un, ce n'était pas une faveur. C'était un placement. Écrivez, dit Esther à Geneviève, qui se tenait prête à contresigner tous les écrits de son égérie. Monsieur Max. Monsieur, fit douloureusement la jeune fille. Non pas monsieur, il croira que je suis fâchée contre lui. Vous auriez le droit de l'être, mais pour votre dignité comme pour la mienne, il est mieux d'établir une ligne de démarcation entre le Max d'hier et celui d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas ici d'un vulgaire rendez-vous. Il faut qu'il le comprenne. Monsieur Max, écrivait en soupirant Geneviève, qui se retenait pour ne pas ajouter entre parenthèses, non, va, pas monsieur, mais mon adoration, mon ange, mon ciel bleu, mon âme et ma beauté. Et une dame respectable, continua Esther, me donne le conseil de vous demander 1 heure d'entretien avant de prendre une résolution définitive. Je me rendrai avec elle demain samedi. Pourquoi pas aujourd'hui vendredi? Demanda Geneviève. Demain, demain, laissons-lui le temps de se reconnaître. Demain samedi, dans la maison qu'elle habite, rue Saint-Maur-Popincourt, au 45. Comment, rue Saint-Maur-Popincourt? Oui, j'ai un appartement où je reçois depuis 10 ans les familles pauvres auxquelles je m'intéresse. C'est plus commode pour tout le monde. Nous le verrons là, et comme je vous le faisais observer, si cette conversation doit être la dernière, vous le quitterez sans crainte de scandale et sans avoir redouté de sa part aucune persécution ultérieure. Bincourt, 45, dit Geneviève, répétant les deux derniers mots qu'elle venait d'écrire. Vous diriez simplement ceci au concierge, reprit Esther, continuant à dicter. Je suis attendu au troisième. Il vous conduira lui-même auprès de nous. Nous vous attendrons à partir de 8 heures du soir. Recevez, monsieur Max, mes salutations. Maintenant, signez. Dieu, que cette lettre est sèche, s'écria Geneviève. Il est impossible de rien imaginer de plus sec. Vous ne pouvez cependant pas vous jeter à sa tête. Mais s'il allait se figurer que je veux le voir pour lui dire des sottises, ça n'en serait pas plus mauvais. Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il ait quelque incertitude sur l'accueil qui lui sera fait. Gervais, le domestique parut en négligé d'antichambre. Gervais, dit Esther, remettez une livrée et portez vous-même cette lettre au concierge de la maison de la rue Louis-le-Grand, au 23. Vous recommanderez vivement qu'on la monte sans retard au destinataire. Vous entrerez de votre personne dans la loge, de façon à ce que votre toilette soit remarquée. Vous mettrez la livrée à bouton armorié. Gervais prit la lettre, s'inclina et sortit. Geneviève aurait voulu s'élancer sur ses pas, mais la présence de Madame la Baronne lui imposait une réserve qu'elle réussissait à peine à maintenir. Ne pouvant encore se jeter au cou de Max, elle se prosterna aux genoux d'Esther et voulut à toute force et lui embrasser. « Pas d'enfantillage, dit celle-ci en la relevant et en la serrant maternellement sur son cœur. En m'occupant de votre bonheur, je pense un peu à ma fille. Si nous réussissons, c'est elle qu'il faudra remercier. » Vous la remercierez, n'est-ce pas? Oh, madame, dit Geneviève, sa pensée ne me quittera plus. Maintenant, pas un mot à personne, mon enfant. Pas même, ou plutôt surtout, à cette malheureuse petite Clémentine, qui m'inquiète bien. Heureusement, vous la verrez encore aujourd'hui, et puis ce sera tout. Je vais aviser à vous séparer d'elle. Geneviève retourne en rue Richelieu, ayant dans le cœur et sur les lèvres toutes les musiques de la passion qui délire. Esther, qui ne délirait jamais, s'assit devant le buvard, laissé ouvert, et écrivit au compère Piétremont cette contrepartie de la lettre de Geneviève. « Demain samedi à 8 heures, un jeune homme blond, grand et très distingué est attendu à la soi-disant réunion des grévistes fondeurs en fer. Il aura dans sa poche des listes déjà couvertes de noms. Il vient pour recruter des affiliés. Faites établir une souricière. Tout fait supposer que la capture sera sérieuse. » Elle cacheta le billet, se leva pour aller devant sa glace, rectifier ce que sa coiffure, improvisée pour Geneviève, avait, de par trop bel oiseau, mis un chapeau noir, un manteau de drap gris tout uni, prit à la main le papier destiné à l'agent afin de le remettre au premier commissionnaire stationné sur sa route, et descendit par l'escalier de service après avoir dit, en passant à la bonne, assise dans la cuisine, « Vous avez congé jusqu'à 8 heures, je vais demander à dîner à Frédéric. » Fin